Psaume 28. Psaume de David. Je crie à toi, ô Éternel, mon rocher, ne te rends point sourd envers moi, de peur que, si tu ne me réponds, je ne sois fait semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications, lorsque je crie à toi, quand j'élève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. Ne me traîne point avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix avec leurs prochains, pendant que la malice est dans leur cœur. Traite-les selon leurs œuvres, et selon la malice de leurs actions, traite-les selon l'ouvrage de leurs mains, rends-leur ce qu'ils ont mérité. Parce qu'ils ne prennent point garde aux œuvres de l'Éternel, à l'œuvre, dis-je, de ses mains, il les ruinera, et ne les édifiera point. Béni soit l'Éternel, car il a exaucé la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, mon cœur a eu sa confiance en lui, j'ai été secouru, et mon cœur s'est réjoui, c'est pourquoi je le célébrerai par mon cantique. L'Éternel est leur force, et il est la force des délivrances de son loin. Délivre ton peuple, et bénis ton héritage, nourris-les, et les élève éternellement.